T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Épisode numéro 413 de Planète Indie, nous sommes le samedi 5 octobre 2019. On arrive tout doucement à la fin de cette année 2019. J'espère que pour vous ça a été un grand cru. Moi c'était un peu moyen, mais bon, on n'est pas là pour parler de ma vie. Hein. On n'est pas là pour écouter de la musique, on est là pour découvrir des événements culturels de qualité qui se passent dans la région. Et justement, on a pas mal de choses à vous proposer. Aujourd'hui, il y a des dossiers. Hein. On devra parler du festival de cinéma cinéiste qui vient de s'ouvrir jeudi dernier. On ira voir les programmations des salles de concert qui sont partenaires avec nous. Rocal, Culture Fabrique, Abbaye de Neumünster. On aura notre chronique BD comme chaque mois maintenant. Et puis, bien entendu, entre tout cela, eh bien, on va vous mettre le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Vous nous écoutez sur les ondes de RGL, vous pouvez nous écouter sur le canal de RGL, sur les cartes télédistribution, vous pouvez nous écouter par internet. Donc aucune excuse, on est ensemble jusqu'à 18h30 et on commence avec le tout nouveau morceau du groupe Blue Heights Soul Decay, un morceau intitulé Something Better. Puis après on va commencer notre voyage, on va aller du côté de la Serbie, on ira du côté de Belgrade avec un duo Sergei 77 et John Camp, qui lui est grec, donc c'est un duo serbo-grec, avec un morceau intitulé Carpe Diem. Bah oui, c'est important de profiter de la vie. Allez, tout de suite, le nouveau single de Blue Eyed Soul Decay est Something Better. C'est tout ce qu'on vous souhaite, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h30. And he still amazes her. What's on earth? This is Brian Tool Hughes of Atopus, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. Would call the on l'écoute jusqu'à la fin parce qu'apparemment vous aimez beaucoup cette chanson, ce morceau. Le groupe s'appelle Deep Dark River, le morceau s'intitule Doom Must Come to Pass et on les réécoutera encore parce que voilà, ils sont très bons, ils nous ont envoyé pratiquement tout leur album, donc on aura encore l'occasion de découvrir d'autres morceaux de leur crew. D'ici quelques minutes, pour être précis, 3 minutes 14 exactement, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay qui nous emmènera du côté de Berlin en Allemagne. Avant cela, on va encore écouter un morceau de blues avec le Hell's Band et le morceau s'intitule Empty Arms. Et puis vous pouvez donc nous retrouver aussi sur Facebook, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook où vous pouvez notamment discuter directement avec pas mal d'artistes qui sont qu'on programme et qui sont membres aussi du groupe, et puis nous faire part de vos commentaires. Et puis le site internet de Planet Indie, c'est www.ilovemusic.ga. Voilà, comme ça vous savez tout, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire partie de la grande famille. You come here, my little baby, to tell me that I'm gone. You come here, my little darling, to tell me that I'm gone. Be back at all. You run and break it, baby. You run, funk, you run, you roll. You run and break it, darling. You run, funk, you run, you roll. You don't want me to wait, baby. Till your man was gone. You keep trying to get me back, baby. With all your tricks and charms. You keep trying to get me back, baby. But when all it came to over, you were left with empty arms. Si vous nous suivez, eh bien, vous savez qu'on aime bien passer d'un genre à l'autre, donc c'est un vrai voyage, hein, cette émission. On voyage dans les genres, on voyage dans les pays. Là, on était avec le Hell's Band, un groupe de blues, et un morceau intitulé Empty Arms. Le morceau suivant, eh bien, il va nous faire découvrir encore un autre genre. Vous allez voir, c'est un peu différent. Ça va être du rock, voire du gothic rock, du dark rock. C'est notre powerplay, le groupe s'appelle Golden Apes. Golden Apes, qui est un groupe donc, de rock allemand qui a été fondé en 1998 à Berlin par des amis. Pierre Lebrecht, qui s'occupe de chansons, Christian Lebrecht, qui est probablement son frère à la basse, et Eric Bars qui jouait de la guitare. Le nom, on en parlera un peu plus longuement plus tard. Le nom, eh bien, il est tiré de l'œuvre de Nietzsche, ainsi par les Zarathoustra. Mais ça, je vous le raconterai l'histoire après. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que après les premiers concerts du groupe avec notamment Scream Silence et Whispers in the Shadow, eh bien, le groupe en 2002 a lancé son premier album qui s'intitulait Stigma 3AM. Ils avaient sorti un EP avant qui s'intitulait The Outsides in Our Life en 1999, donc l'année juste avant. Le groupe, eh bien, il se base sur des mélodies qu'ils travaillent beaucoup. Ils essayent de créer une atmosphère qui, eh bien, se fondent sur la voix sombre et mélancolique de leur chanteur Pierre Lebrecht, les guitares assez puissantes, vous verrez bien, et puis des textes quelque peu surréalistes, on va dire plutôt, c'est plus correct de dire surréaliste, et vous comprendrez mieux cette petite phrase, eh bien, quand je vous aurai expliqué l'origine du nom Golden Apes. Pour l'heure, eh bien, leur album, s'intitule Casbeck, il est sorti chez Enhouse Records, et on va en écouter donc un premier extrait pour ce soir. Le premier extrait s'intitule Vojkova, sous-titré The Healing. Je pense que je vous l'ai déjà proposé en découverte précédemment. Et puis j'essaierai aussi de vous mettre, comme d'habitude, une vidéo sur notre groupe Facebook. Pour l'heure, donc, premier extrait, Vojkova, par le groupe Golden Apes. Power play. Power play. We'll be right back. something's going on everywhere. A sun is shining through the trees. It's those children playing loud of the happiness in the game. In the game. Watch the sky, dressed in joy. People laughing, cars, there are bees around. But there's something wrong. Yeah, something wrong. Something wrong. Now see the demons hanging there. They don't want to set you free. Set you free. Set you free. And look at them. All the smiles shining everywhere. The joy. But there's something wrong, my friend. Yeah, there's something wrong. Something wrong. Yeah. C'est une autre nouveauté, c'est la première fois qu'on l'écoute. Il s'appelle Lorenzo Gabbanizza. Et au moins, il a le mérite de le reconnaître. I am wrong, ça veut dire j'ai tort. On va poursuivre avec un nouvel extrait du nouvel album de Robert Buczynski. Avant cela, on va passer en revue la programmation de la Culture Fabrique des Chutural Z jusqu'au mois prochain. Alors, du 7 au 11 octobre, il y a un atelier théâtre qui s'appelle Masterclass Jeux Clownesques. Le mercredi 9, c'est aussi du théâtre, El Camino de Señor Dolores. Le jeudi 10, c'est le Kinoche Listening Session. Jeudi 10 aussi, toujours du théâtre, bah oui, c'est la semaine théâtre, hein, on dirait. Jeudi 10, donc, rien à dire. Vendredi 11, toujours en théâtre, a-t-on toujours raison? Which are you? Quelle sorcière est-ce que vous êtes? Le 18 novembre, on vous conseille d'aller voir les Tambours du Bronx. La veille, si vous avez envie de rire un petit peu, ce sera avec Didier Super. Le 18, toujours le 18 aussi, il y a Becky and Cloud qui viennent. Et enfin, on arrive au samedi 2 novembre avec la venue du chanteur français Miossec, samedi 2 novembre d'ailleurs. C'est la date à laquelle eh bien, notre prochaine émission aura lieu, l'épisode 414. Donc, le bon plan, vous écoutez Planet Indie et puis vous allez ensuite à la Culture Fabrique. Plus de renseignements et une programmation plus complète, www.culturefabrique.lu. Pour l'heure, eh bien, on écoute Robert Buczynski. Il y a un morceau intitulé « Nine Times Crucified », cet extrait de son nouvel album « The Breakdown Lane ». Hi, I'm Robert Buczynski from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Stand accused yet again, and here my ennui remains much unchanged. Inside your twisted, corrupted mind, you justify why you want me brought in, tried and vilified. Just like Pontius Pilate, you tried to seal my fate. You mock all my values, you're filled with so much hate. So wind up your last chains and sharpen up your nails. Incite the masses, your persistence never fails. I am I am! Nine times crucified. time is rolling by. Tell your friends you love them and why. Feed their dreams enough to rely. Rest is theirs now, no need for a guide. Light is on, we ain't wrong. Light is on now, we belong. So sing along now, light is on. Part of you stands, love profound. Love the town, not far from Slide. Long on shores, the hills give a glance. Built by hands, artists rely. Keep the faith now, we'll hold the dance. Light is on, we ain't wrong. Light is on now, we belong. So sing along and light is on. A part of you stands as love profound. C'est un groupe qu'on a découvert le mois dernier, il s'appelle Bliss Is Be. Le morceau s'intitule Twin Geeks et le titre de leur album s'intitule Tell Your Friends You Love Them and Why. Donc moi j'aime beaucoup ce titre d'album, donc dites à vos amis que vous les aimez et dites-leur pourquoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile et on a toujours tendance à espérer qu'ils vont comprendre plutôt que de devoir le dire soi-même. Et puis dans la série... Je vous aime, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette vidéo qui vient de circuler sur les réseaux sociaux. Bah, c'est très récent puisque ça s'est passé hier vendredi, je pense. L'histoire de ce jeune homme qui a pardonné à la femme qui avait tué son frère par erreur parce qu'elle était rentrée chez elle et elle l'avait trouvé dans ce qu'elle croyait être son canapé alors que le pauvre gars était chez lui dans son salon en train de regarder la télévision. Donc regardez là si vous voulez pleurer un bon coup parce que c'est très émouvant cette vidéo. Allez, on n'est pas là pour tout ça. Qu'est-ce qui va se passer à l'abbaye de Neumünster les prochains jours? Alors demain ce sera Vincent Tecal trio qui sera en concert. Le 13 octobre, Arthur Dutkiewicz trio. Donc tout ça, ça me semble être du jazz, hein. Et puis pour être tout à fait complet, 3x3, il faut un troisième trio. Donc le troisième trio produira quant à lui le 20 octobre. Attention, c'est à 11h. D'ailleurs, les trois que je vous donne, c'est à 11h. Oui, c'est des concerts du dimanche matin. C'est le Nicolas Parent Trio. Le 27 octobre, toujours à 11h. Bah, c'est tout à 11h. Oui, je n'avais pas réalisé, mais en fait, tout est à 11h. Le 27 octobre, bah, c'est le dimanche suivant. C'est Jan Felix May. Et enfin, le 10 novembre, ce sera le Martin Schulte Trio, donc à l'Abbaye Neumünster. C'est la série des trios, hein. C'est la saison plutôt des trios. Et puis à l'Abbaye Neumünster, il y a aussi l'exposition Breaking the Walls qui a été inaugurée quant à elle jeudi soir pour le jour de l'ouverture du festival Ciné East, festival dont on vous parlera un peu plus longuement tout à l'heure parce que vous le savez très bien, on le suit chaque année et on aime bien ce qu'il propose. Donc je vous parlerai un peu plus longuement de ce festival tout à l'heure. Pour suivre tout de suite et avant de retourner sur notre album Powerplay, on va écouter Swift Bakery. Alors Swift Bakery, on les avait aussi écoutés en partie le mois dernier. Je crois qu'on avait terminé l'émission avec eux, on avait dû les couper. Et j'avais dit, on va les réécouter parce que c'est très bien. Et voilà, je tiens mes promesses. Swift Bakery avec Amy Adams. Et puis tout de suite après, retour sur le Voivoka. De Golden, enfin pas Voivoka, c'est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, surtout sur Casbeck, l'album de Golden Apes. We sent a demo to a label, and then we got a contract, and we sent them all the masters, but they made a bad pressing. We told our label do it right, the LP had a paint sleeve. And inside was a poster with a fine yellow sketch. You gotta give it a try. Do it DIY. And if I did it all again, I would make real sure to get inside your head. Our label sent around our record. Some indie zines reviewed it. Some record stores sold it, and I know someone who bought it. One song became a movie by a friend who became famous. A friend made a real movie, it was starring Amy Adams. We were indie enough, we got into the clubs. But when you're on the radio, you have to do is sleep inside a van. A movie screened in bowling alleys, enter people in detention. Was copied on real film stock, and some cinephiles still have it. I sent tapes across the nation. I took a copy to a VJ. What was I doing in Seattle? He said thank you and goodbye. We sold the record and show, which some of you may know. Our label said we charted. Pennies, nickels, quarters on the dime. Voilà, Thrift Bakery, un morceau intitulé Amy Adams. C'est pas le morceau qu'on avait écouté le mois dernier, j'avais pas dit qu'on réécouterait le même, hein, mais on aurait écouté Thrift Bakery et cette fois-ci en plein milieu de l'émission, puisqu'on est vraiment pile poil à la moitié et à la moitié de la playlist aussi. Il est en effet 17h47 minutes, donc on a dépassé la moitié de 2 minutes et on va retourner sur notre album Casbeck, enfin notre album Powerplay, l'album Casbeck du groupe allemand Golden Apes. Je vous ai mis la vidéo d'un morceau de la plage d'ouverture de cet album qui s'appelle Oblivion. qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, mais comme ça vous pouvez encore découvrir un autre morceau. On l'a dit tout à l'heure, c'est un groupe de gothic rock, et comme il y a beaucoup de groupes de ce genre qui sont originaires d'Allemagne, pas que hein, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui sont originaires d'Allemagne et qui chantent en allemand. Et alors c'est un peu étonnant pourquoi eux, eh bien, ils décident de chanter en anglais. Et alors le chanteur, bah, lui, il explique que le tout premier mot que j'ai écrit pour ce groupe, la première parole que j'ai couchée sur papier pour ce groupe, quand même personne ne pensait qu'on pouvait avoir du public ou le moindre fan, eh bien il l'a écrit tout de suite en anglais. Il trouve que l'anglais est une langue très poétique qui lui vient directement à l'esprit. Il cite notamment des gens comme David Bowie, les Cure, les Psychedelic Furs ou Modern English, bah oui, quand on parle de langue, comme eh bien, des influences pour lui. Les membres du groupe sont aussi des artistes patentés, même si effectivement le développement du groupe ne leur permet pas beaucoup de travailler beaucoup à côté, puisque eh bien, ils ont quand même atteint une certaine notoriété. Et le travail avec Golden Apes leur demande eh bien, pas mal de temps, d'attention et de créativité. Peter lui dit bah, il n'y a même aucune raison pour moi de m'impliquer dans d'autres expériences musicales parce que eh bien, j'ai la chance d'avoir un terrain de jeu qui me satisfait, qui est suffisamment créatif avec le groupe Golden Apes. Par contre, il dit Harris, lui, eh bien, il compose notamment des musiques pour des pièces de théâtre, et Christian, quant à lui, qui est leur joueur de basse, lui, eh bien, il se réalise aussi dans la peinture. Il fait notamment des peintures à l'huile. Voilà. Que vous dire de plus ? Eh bien, il y a encore le mystère sur ce nom Golden Apes, mais ça, je voulais garder pour la fin. Comme ça, c'est un petit teasing pour vous garder jusqu'à la fin de l'émission, ou en tout cas jusqu'au troisième extrait qu'on écoutera tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, c'est le deuxième extrait. Et le morceau s'intitule Morbus Me. Je pense pas que ça doit être plutôt du latin. Donc on dira plutôt Morbus Me que Morbius Me. À choisir celui que vous voulez. Power play. Power play. We'll be right back. cleared all the tracks. Is it you or a mystery that's guiding me way down now for a while? Voilà, second extrait de notre powerplay de ce soir, l'album Casbeck du groupe berlinois Golden Apes. Et puis on va terminer aussi notre trilogie des salles de spectacle avec ce que vous pouvez voir dans les jours qui viennent à la Rocale à Esch-sur-Alzette. Alors ce soir, grosse date avec la venue de M et puis aussi l'Erasmus. La M, ce sera évidemment dans la salle principale, et l'Erasmus au club. Le 6, demain dimanche, Khalid. Le 7, Volbeat, le Rewind, Replay, Rebound World Tour. 10 octobre, William Fitzsimmons. Et puis le 11, retour de Lindsey Stirling. Elle était déjà venue il y a quelques années, je me souviens l'avoir vue. Je ne saurais plus vous dire exactement quelle année c'était, mais je sais qu'elle était déjà venue précédemment. Toujours le 11 octobre, Compromat. Le 12, Il Divo. Le 13, Apparat Live. Le 13 aussi, attention que ce Apparat Live, ça se déroule à la Philharmonie, hein, pas à la Rocale. Le 13, à la Rocale, vous pouvez voir King Gizzard and the Lizard Wizard. Le 18, Queen Mania, le Best of Queen by the Bohemians. Le 19, Chop Chop Chop Festival. Le 20, l'atelier avec Michael Santos. Et puis, vous pourrez voir aussi le European Outdoor Film Tour, la première session. Et la deuxième session qui se tiendra en soirée, la première et en après-midi, si je ne m'abuse. Le 23, si vous aviez prévu, 23-24, si vous aviez prévu d'avoir le Star Wars The Empire Strikes Back en concert, eh bien c'est annulé. Donc faites-vous rembourser vos tickets. Le 24, Poets of the Fall. Le 26, Bon Entendeur. Le 27, Raphaël Sadik. Le 29, Mahmoud. Le 31, 0.5. Le 1er novembre, Leprous plus The Ocean plus Port Noir. Et le 3 novembre, le retour pour la xème fois, mais on ne s'en lasse pas, du Brit Floyd qui reprend les plus grands standards, bien entendu, de Pink Floyd. Voilà. On poursuit en musique un peu plus calme que Golden Apes. C'est une nouveauté Alp. On l'écoute avec Stuck in My Mind. Et ensuite, Clara Engel, toujours dans la douceur. C'est aussi une nouveauté avec Baba Yaga. She's so reckless to my cause. How fool am I, still cannot let go. Trying to read every thought. Days been wasted for so long. Am I the only one staying up all night? Checking the phone at the first light. How could I let someone I don't know make me lose my mind? Tell me, don't you need someone when you cry alone? With a blanket in your cold bed, everything about us reminds me how I need you to breathe. Tell me, was it truth or a lie? Things you told that night. And your smile stuck in my mind. Everything about us reminds me how I need you here. So long, am I the only one saying it's alright? Hoping things will change overnight. And really, how could I let someone I don't know make me lose my mind? Tell me, don't you need

night of the dodo. What do I know about the lizard's dream or the butterfly's lust? What do I know about stalagmites and sinkholes in the earth? What do I know about the ultimate undying love that burns through light and time and never says, I've had my fill, now that's enough? Voilà, ce morceau fait plus de 6 minutes et on l'a écouté en entier. C'est une nouveauté, mais c'était tellement doux, tellement agréable, ça fait tellement du bien que je n'ai pas voulu le couper. C'était Clara Engel avec le morceau intitulé Baba Yaga. 18h07, bah on a entamé tout doucement le... qu'est-ce que je veux dire, la dernière partie, voilà, je suis en train de perdre un peu mes mots, la dernière partie de cette émission. On doit aller faire encore un tour sur la programmation et vous dire quelques mots sur le Festival Cinéiste, mais comme vous en avez pris l'habitude aussi, on va faire un petit tour aussi dans le monde de la bande dessinée. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un album qui est sorti aux éditions du Lombard. Il est sorti déjà en mai et il s'appelle Zaroff. Alors, le résumé de l'histoire, le voici. Depuis que Sanger Reinsford lui a échappé, le comte Zaroff, un général russe ayant fui la révolution de 1917 et vivant sur une île privée au large de l'Amérique du Sud, a perdu le goût pour son passe-temps préféré, la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, après avoir tué des girafes, des rhinocéros ou des buffles, il s'était spécialisé dans la chasse à l'homme. C'est ainsi qu'il recueillait les malheureux naufragés qui s'échouaient sur ses terres, les remettait sur pied avant de les libérer, et de leur donner un peu d'avance pour tenter de fuir. S'il les rattrapait avant 3 jours, il les tuait. L'une de ses nombreuses proies se nommait Stuart Flanagan, et n'était autre que l'un des caïds irlandais du crime organisé de Boston. Fiona, sa fille au caractère bien trempé, a repris les rênes de l'entreprise familiale, bien décidée à utiliser les moyens humains et financiers désormais à son service pour venger son père. Elle débarque sur l'île du comte pour lui lancer un défi. Ayant capturé la sœur de ce dernier ainsi que ses 3 enfants, elle les relâche dans la jungle. Sera-t-il capable de les retrouver et de les sauver avant elle, qui ne rêve désormais plus que d'une chose, éradiquer le nom Zaroff de la surface de la Terre. Une histoire adaptée d'une nouvelle de Richard Connell parue en 1924, oui déjà, sous le titre « Le jeu le plus dangereux ». Cette bande dessinée a tout pour plaire, a commencé par une qualité graphique et un esthétisme quasiment parfait. D'ailleurs, en complément, on trouve un cahier de dessin en fin de volume qui présente le travail de préparation pour les protagonistes principaux de cette aventure. Ensuite, le lecteur est pris dans un suspense haletant tout au long des 80 pages, avec des retournements de situation, des décors grandioses, mais surtout une grande ambiguïté des personnages. Il n'y a pas de bon et de méchant, tant et si bien que le monstre avec lequel le lecteur fait connaissance au début finit inévitablement par attirer à lui une part de sympathie. Et la malheureuse orpheline, par contre, démontre rapidement qu'à son tour, elle est capable de rivaliser avec son ennemi dans la férocité. Il faut reconnaître qu'elle y est par moments bien forcée, car à une époque où les femmes sont censées rester à la maison, elle doit constamment montrer que c'est elle la patronne, notamment vis-à-vis de quelques employés ambitieux bien désireux de reprendre en main, et pour leur compte, la destinée du clan Flanagan. C'est une intrigue basique, mais pas manichéenne. Deux adversaires qui se pourchassent l'un l'autre, des personnages forts, un dessin et des couleurs à la hauteur, tant pour les protagonistes que pour les Des personnages forts et un dessin et des couleurs à la hauteur. Tous les éléments sont donc réunis pour passer à un excellent moment de lecture. Sans vouloir en dévoiler trop sur le dénouement final, il n'est pas interdit d'imaginer qu'une suite pourrait y voir le jour, totalement inédite, celle-ci. Je vous rappelle le titre de cet album, c'est simplement Zaroff, c'est sorti aux éditions du Lombard. Et sur le thème de Zaroff, il faut croire que c'est l'année Zaroff, les éditions Ankama ont sorti aussi un album, qui est un tome 1 d'une trilogie, qui s'intitule « Maudit sois-tu » et le titre premier est justement consacré à Zaroff. Ici, eh bien, Zaroff est placé dans un contexte beaucoup plus actuel et ça, c'est une histoire qui se passe dans le Londres d'aujourd'hui. Donc là, on n'est plus dans les îles de l'Amérique du Sud, on est à Londres. Mais l'histoire est très très bien aussi, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'approfondir le personnage de Zaroff. Voilà deux ouvrages à vous conseiller. On poursuit en musique, si vous le voulez bien, avec Maya Wynn, un morceau qui s'appelle Fearless Girl, et c'est une reprise, bon, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, vous allez reconnaître sans problème, Maya Wynn, Fearless Girl, et puis après ce sera Sam Levin, et un morceau intitulé Headstrong. Feeling like I can't go out alone. In this world I live in, I'm not safe in my own home. With every breath I take, I'm not gonna let go of the fearless girl I used to be. And I'm not gonna lay down and watch this world take over me. I'm not gonna let go of the fearless girl I used to be any cause for sanity. You Sam Levin, le morceau s'intitule Headstrong. 18h20, il nous reste 10 minutes pour écouter encore 3 morceaux et vous parler du festival cinéiste. Donc on va accélérer un petit peu puisqu'on doit encore, je dois encore vous expliquer comment le nom de Golden Apes eh bien, est venu sur la scène. Il faut dire que Peter le chanteur était à l'époque comme un grand fan de Nietzsche. Il ramassait tout ce qu'il pouvait qui le concernait et puis il lisait par page, page après page après page après page. Et les écrits de Nietzsche eh bien, le fascinaient. Cette approche entre les doutes incessants et le scepticisme qu'il trouvait légitime, le fait de challenger, de défier la réalité et puis cette sorte de nihilisme, ça l'a influencé énormément et notamment dans les paroles qu'il a écrites à l'époque. Je vous ai dit tout à l'heure que le nom Golden Apes était extrait en particulier de l'œuvre qui s'intitulait Ainsi parlait Zarathustra. Il y a notamment dans le début un passage où Zarathustra dit « Vous avez évolué de l'état de ver à celui d'homme, mais une grande partie de vous est toujours le ver. Autrefois, vous fûtes singe, mais maintenant, l'homme est plus singe que n'importe lequel des singes. Et c'est ainsi qu'effectivement que le nom Golden Apes est apparu, car cela lui a paru une métaphore parfaite pour la contradiction qui existe entre l'honneur et le fait d'être un débris, d'être tout cassé. Le symbole est en fait un symbole. Le singe, pardon, est un symbole pour les origines et l'or est un symbole de la couronne qu'on dépose sur nos têtes. Donc ils n'ont pas seulement nommé une chanson ainsi, mais ils ont nommé tout leur projet, tout le nom du groupe Golden Apes, donc qu'on peut traduire en français, par un singe en or. Enfin, des singes en or, puisque c'est au pluriel. On écoute le troisième extrait que je vous ai programmé pour ce soir. Il s'appelle Vento, et c'est toujours donc extrait de cet album intitulé Kazbek, pour lequel je vous ai mis aussi une vidéo sur notre groupe Facebook. Power Play. Power Play. Power Play. Right. c'est une chose que je ne fais pratiquement jamais, de couper un powerplay, mais bon, on arrive vraiment au bout. Et je veux absolument vous parler du festival Cinéiste qui, depuis 2008, eh bien, vous présente le meilleur de la production cinématographique des pays d'Europe centrale et orientale. La 12e édition se tiendra donc du 3 au 20 octobre, ça a commencé jeudi, avec 120 projections et de nombreux événements spécifiques tels que 5 concerts, plusieurs ciné-débats, 2 expositions, des événements culinaires, des soirées spéciales et tout et tout. Les sites principaux sont bien entendu la Cinémathèque, l'Abbaye de Neumünster, le Ciné-Utopia, ainsi que d'autres lieux comme l'ancien cinéma de Vianden ou la Culture Fabrique à Esch-sur-Alzette, entre autres. Cette année, le festival met particulièrement à l'honneur la Lituanie. Il y aura aussi une quarantaine d'invités. La grande majorité des films à l'affiche sont des longs-métrages de fiction. Il y a une place aussi qui est importante, qui est réservée aux documentaires et aux courts-métrages. Il faut aller vite, il y a des soirées spéciales, des événements spéciaux comme le concert de Chantel and Bukovina Club Orchestra, c'était hier. Il y aura un ciné-concert par le duo roumain Karpov Not Kasparov, une nuit slave avec Krambabula au Sang Klang, et puis un apéro jazz, on en a parlé tout à l'heure, avec Arthur Dudkiewicz Trio. Il y a toujours leur projet caritatif. Toutes les informations, c'est www.cineist.lu. Le pass est à 30 euros, ça vous permet d'assister à toutes les représentations. Voilà, on va se quitter donc avec un dernier morceau. Bah, on n'aura pas le temps pour écouter tous les deux morceaux que je vous avais prévus. Ce sera Boris Eve ou Evie et un morceau intitulé Madness. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On se retrouve le 2 novembre pour une prochaine émission, l'épisode 414. Et puis cette émission est rediffusée demain aux mêmes heures et vous retrouverez le podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Passez une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. I like the way you move when you walk through hallways. Today you're in the groove, but I'm not okay. I like the way you sing. Watching